Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, j'appelle pour le fond de café. Oui. Voilà, c'est vous? Oui, je t'entends, je t'ai reconnu là. Ah, c'est qui? C'est pas Jean-Luc. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ouais. Ah. Quoi de neuf? Bah, toujours pareil. Vous t'arrives pas à le vendre? Pour l'instant, non. T'arrives pas à trouver de pigeon alors, hein? Hein? Hein? Pour l'instant, non. Ah, c'est, tu l'as mis un peu cher quand même, hein? Tu l'as mis, à combien tu l'as mis déjà le café? Je mets à 600 000. 600 000 un fond de café? Ouais. Tu te fais pas chier, hein? Tu sais combien j'ai acheté aussi? Ça fait cher du café entier, hein? Ah, t'as fait, on fout de café, attention, pas le café entier, là. Ah, ouais. Ah bon, c'est que le fond à ce prix-là? Ouais, tout le fond, voilà. Ah, dis donc, ouais. Ah, ça fait cher de la cacahuète, hein? C'est cher, hein? Ah, oui. Bon, y'a pas de clients alors? Oh, non, pour l'instant, non. Oh, bah qu'est-ce que tu fous alors? Bah, je ne sais pas. Ils vendent, qu'est-ce qui fait qu'ils partent pas? Il y en a deux qui sont venus tout à l'heure. Deux qui sont venus? Ah, ouais, ouais. Oh, dis donc. C'est vrai, hein? Bah, pourtant, tu leur as pas dit que les sandwichs que tu faisais, la viande était périmée? Ah, non, non. Ah, non, tu non, leur as pas dit ça? Ouais, bah peut-être rien à dire ça aussi. Ah, que la bière tu pissais dedans, elle est pas dit ça. Enfin, donc ça part pas alors? Non. Ah, tu vas baisser un peu? Non. Non, tu veux pas baisser? Non, je baisse pas pour l'instant, non, je laisse comme ça. Oh merde alors. Mmh. Ils sont venus, ceux qui sont venus tout à l'heure, ils ont dit quoi alors? Bah, ils ont fusillé, bah on va réfléchir, c'est tout. Hein, oh. Bah, là t'as. Bah ouais, pas trop quand même, hein? Non, oh je m'en fous, tu sais, pour l'instant je suis bien, je travaille, là, pour l'instant ça va, pour l'instant bah, je suis un contre le sang. Ça va, bon, enfin bon. Voilà. Faudrait que tu penses à changer les cacahuètes hein, quand même, parce que dans le distributeur, ouais, ça fait voilà. Un bout de temps quasi 100, hein. On va lâcher un tour des cacahuètes, c'est tout ce que. Hein? On va lâcher un tour des cacahuètes. Je comprends rien quand il va. Voilà. Mais bon, faut que tu le vendes, hein, ce truc, hein. Ah, bah, on attend. Si ah, ça t'en vient, on le vend. Je sais bien que c'est invendable, mais bon, faut quand même. Si ça t'en vient, pourquoi pas. Que comment? Tu comprends pas quand tu. Je te dis, si Tatan y vient, on va le vendre. Ah, si caca tu y viens. Oui. Ah, bah j'avais pas compris, j'avais compris, si caca que tu viens. Ah oui, c'est toi que tu viens, oui. Ah non, en fait, tu m'as dit, si caca tu viens. Ah non, je t'ai pas dit. Est-ce que j'avais compris tout à l'heure, si caca tu viens. Non, je t'ai pas dit ça. Ah bon, c'est pour ça, j'avais compris, si caca tu viens, tiens. Bon, alors, j'ai un client, tu l'attends. Hein? J'ai un client qui l'attend là. Putain, je dois pas avoir le bon décodeur, moi. Vas-y, redis-le. Je dis, il y a un client qui l'attend là. Ah, il y a un client qui attend. Ça, voilà. C'est le coup. Depuis qu'ils ont fait le double cryptage à Canal+. Voilà, ils ont fait le tour, voilà. Je comprends plus quand tu me parles. Bon. Je dis qu'ils ont fait le tour. Eh ben, j'arrive encore détraqué, je comprends pas. Bon sinon, à quoi tu es fin? Partout. Hein? Où je veux partir. Ah, bah oui, bien sûr. Bon, et surtout, n'oublie pas, hein. Non, j'oublie pas. N'oublie pas de lui dire que tu tiens, hein. D'accord. Je compte sur toi, hein. D'accord. Ok. Allons, va. Allez, salut, hein. Salut. À bientôt, bonne journée. Ouais, rien compris.